Salut, ici Sophie Cadieux. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy, en compagnie d'Antoine Vézina. Merci Frédéric et bienvenue en même temps, c'est le pilote pour Radio-Canada. Très heureux d'être avec vous messieurs et bon podcast. Ensuite, nous avons comme collaborateur Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine, c'est un bonheur d'être avec vous en une si belle journée d'été. Et le dernier, non le moindre, Mathieu Bouillon. Oui, salut. Peux-tu recommencer? C'était trop nerveux. Quel personnage coloré. À la semaine prochaine, tout le monde. Donc, Mathieu était joué par Michel Desrosiers. Oui, bonjour. Voilà. Alors, pas de problème, c'est simple. Qu'est-ce que c'est, Antoine? Alors, les gens nous soumettent leurs problèmes, soit via notre page Facebook, ou tout autre moyen de communication légale. Et nous tentons ici quatre cerveaux de leur offrir des pistes de solutions, des réponses, une discussion en remue-ménage spectaculaire et enivrant. Oui. Pis souvent, les gens, là, ce qu'ils trouvent, là, c'est que le processus est quelque chose d'autant intéressant que les solutions. Et enivré dans le cas de Mathieu. Ça sent bien lourd, ce sketch-là. Alors, il y a aussi qu'on peut apprécier ce podcast-là en l'écoutant sur quoi, nos baladeurs. Oui. Tout à fait. Allez chercher sur iTunes et laisser un commentaire. Radio Sirius. Oui. Ne cherchez pas là. Pas encore. Non, c'est ça. Pas encore. Je veux juste avertir les gens. Bref, allons-y avec un premier et un seul. Un seul. Problème pour aujourd'hui. Bonjour. Et un stand en masse. Les gens se doutent de moi. C'est assez. J'ai mal au cul. Pierre Le Gracine, tu les envoies. Comment être en première rangée d'un gros événement au Centre Bell sans payer? Oh! Ouais. Ou sans payer une fortune, hein? Non. Deux piastres, c'est correct. Ouais, deux piastres, c'est bon. Ouais, deux piastres. C'est comme sans payer. Ouais. Exact. Messieurs, avez-vous déjà assisté à des gros événements au Centre Bell? Sans payer? Moi, ben pas sans payer. Ouais. Ah oui, oui! C'est quoi? Ben, en fait, c'est pas au Centre Bell, c'est au Forum, parce que avant qu'elle déménage. Mais, le premier show de musique que j'ai allé voir, c'est Fine Young Cannibals. Oh, wow! J'allais au Centre des Jeunes, l'escale 13-17 à Montréal-Nord. Shout-out to mon hood. Donc, oui, mais t'avais du monde à l'hôtel de ville qui recevait des billets pour des événements. Wow. Ils font Fine Young Cannibals. Ça doit être de la musique de drogué. Fait qu'ils font, on va donner ça aux jeunes. Là, je suis allé avec, on était une 4, là, avec un animateur du Centre des Jeunes, puis on est allé voir Fine Young Cannibals. Wow. Ils ont réussi à étirer Drive Me Crazy pendant 1h40? Non, il y avait Johnny, Good Things. Ah ouais? Tu connais pas? Non. Good Things, Where Have You Gone? Mon Dieu, j'ai juste eu Drive Me Crazy. Non, Good Things, hein? Johnny! We're sorry, won't you come on home? Oh, ouais! Là, t'as un peu plus la voix de London Beat. Puis il avait repris aussi Suspicious Mind. Oui, ça je m'en rappelle. Wow. Ça je m'en rappelle. We can't go home. Ça rock des temps de temps en temps. With Suspicious Mind. Oh mon voilà. Dieu. Voilà. Impeccable. Merci, c'était ma tranche de vie. Je m'en vais aux toilettes. Alors, il a évidemment participé à des concours. Mm-hmm. Oui. Il y en a de multiples des à chaque fois. Je suis revenu. Ça a bien été. Oui, principalement les radios, hein, c'est souvent associé à ça. Ça, j'avais appelé à Lucien Francœur, il était assez quoi? J'avais gagné des billets pour D-Light. Mais voyons. Oui. Encore une fois, au forum, dans le temps. Non, c'était Metropolis. Groove is in the Heart, sur WorldClick, il y en avait plein de bonnes... Oui, oui, c'est un bon disque. Ouais, ouais, je l'aime beaucoup. Ils ont eu leur jeu de Genesis. Ouais, voyons donc! Ouais. Hein? Après ça, faillite, Genesis. Faillite pour Sega. Sortir avec un des membres du groupe. Oui. Oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Ou du crew. Ou du Ice Capade. Ou du Entourage. Ou de l'équipe. Ou du Entourage. Technique. Faire partie de la technique. Oui. Faire partie de la technique. Ah, sacré. C'est fini. Hey, oui. Là, moi, je suis épuisé. Être placé. Oui, oui, oui, oui. Travailler pour le Centre Bell. Oui, oui. C'est sûr que tu peux pas apprécier autant. J'ai perdu mon petit crayon. Continuez. Je t'ai dit pas yé. Mais. Mais il est bon. Mais. Ouais, mais ça, je me disais. Ou si t'es dans le show, oui. Un moment donné, tu fais. Hey, je vais aller m'asseoir dans la première rangée pour le fun. Très fort. Si t'es dans le show, tu fais payer. You drive me. 1 minute. Être journaliste, couvrir l'événement. Oui, wow. Très fort. Faire partie de la sécurité. Oui. Ça, là, ça penche rondeur 5. Pour moi, là, je ne diminue pas le travail de ces gens-là, mais pour moi, tu es capable. Tu es capable. Mais vous sautez le plus important, là, qui est clairement connaître quelqu'un dans l'événementiel. Tu veux dire. Okay. Oui, oui, c'est ça. Ben, quelqu'un du centre-ville, un des commanditaires. Un des commanditaires qui a toujours des billets gratuits, personne n'y va, fait que tu te ramasses dans des loges gratis sans arrêt. Beaucoup des billets. Moi, demain, là, je m'en vais quelque part à cause de ça. Là. Écoutez bien, messieurs. Sur Facebook, j'imagine que vous avez peut-être des amis en commun avec. Jacques Aubé, vice-président exécutif et directeur général de Evenco. Mmh. Wow. Ou Louise Laliberté, vice-président des opérations et développement des affaires. Wow. Ou Nick Farkas. Hey, ça, c'est un nom de vedette. Ou Sergio Silvestri. C'est tout du monde dans Evenco, là, des hauts placés. C'est facile d'aller chercher ça sur Google. Mais, très facile. Ils font-tu des concours? Puis après ça, tu cherches ça sur Facebook. Tu te fais, je connais sa fille. Ou tu sais, je connais l'ami de... Wow. Hey. J'ai habité avec ces deux filles en colocation. Oui, les deux sont enceintes. Hey, pour moi, être bon pour avoir des billets. Des billets. Je cassais tous leurs petits verres. J'enlevais le poster de bijoux. J'ai tout fait. J'habitais dans un fait. Trou. Ah oui, monsieur Sansensco, il va être content. Oui. Se faire des faux billets. Comment tu peux faire ça? Ça un bon scanner. Écoute, il y a eu des faux billets en circulation pour YouTube, entre autres, les deux fois qu'ils sont venus. Il y a un petit... Je te jure! Le problème, c'est que rendu sur place, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va se pointer avec des vrais billets. Il faut être convaincant. Ouais. Il faut être là avant pour faire... Non, vos billets, regardez, ça marche pas. Là. Mais tu sais, YouTube, c'est un bon choix parce que Bono, il a tout le temps ses lunettes fumées. Fait que c'est sûr que lui, il voyait moins le détail des billets. T'sais. Oui, parce qu'il déchire ça à la porte. C'est eux qui scannent. Attends, si tu déguises... Oui, je dis bien déguises ta chaise... En manteau? Non, en chaise roulante. Ah! Après, là, il arrive avec les vrais billets, puis là, en plein milieu d'arranger, ils font... Ah, c'est une place de chaise... j'ai dû me tromper. C'est fou. Mais comment il a fait pour se rendre... j'ai dû me tromper. Ah ouais, très bon. Mais faux billets, chaise roulante, c'est pas pire, non? Non, des places, des spots, faut regarder. Ouais, on va se tasser, il y a de la place. Les billets, on m'a donné ça. Oui. Contrefaçon, c'est 30 milliards de dollars par année au Canada. Ah, oui, d'amende? Ouais. Non, ou de perte? De perte d'argent en contrefaçon. Donc, voulez-vous... faux billets, mais faux billets spectacle, billets de... Connaître une solution... que je vais peut-être essayer. OK. Le 10 septembre, je m'en vais voir Raw avec mon frère. Raw? Ouais. On est des fans de lutte à vous. Puis vous voulez descendre la première rangée. On est vraiment des billets de marde. C'est à la Salarossa, hein, cette année. Oui, c'est à la Salarossa. Mais non, on a des billets vraiment moyens. Tu sais, parce qu'on voulait pas vraiment débourser le paquet pour voir ce qu'on voit à télé. Tout ça pour Raw. Mais on trouve ça très drôle. On a envie d'être là. Mais, on s'est dit, ben, peut-être que pendant le show, tu sais, tu te déplaces. Je sais que les Beastie Boys, j'en ai vu plein, là, sauter sur le parterre, tu sais. Ah oh, ouais, le monde s'essaye, c'est malade, mais ils sont toujours pognés. Il est arrivé un show cet été, là, tu sais, on s'est rendu compte qu'on était les deux seules personnes qui avaient des billets aux bonnes places, finalement. Ouais. Toutes les autres faisaient comme si, on savait pas, on pensait que c'était rentré. Ouais. Mon cul, tu savais pas. Ah, mon Dieu. Mais il y a souvent moyen aussi, frère, de t'achètes un billet le plus loin possible. Ouais. Puis rendu sur place, il y a souvent des billets qui sont invendus dans les rangées. Ils te font bumper comme dans les avions? Ils te font pas tant bumper, plutôt que tu peux payer un montant vraiment moins cher que si tu avais acheté un billet plus cher. Puis tu peux donner un 5$ pour changer. Où tu vas là, ouais. Où tu fais ça? À l'accueil, à la billetterie, tout simplement. Je pourrais aller demander, faire... C'est possible que tu amènes des fois ton billet de crotte, puis tu te dises, ah, y a-tu des places ailleurs? Fait qu'ils peuvent juste te charger un petit montant pour changer de rangée à chaque fois. Pas bête! À la Coupe Rogers, ça fonctionne comme ça. Pas bête! Voler des billets sportifs. Il y a ça. Voler, c'est toujours la J'ai solution. J'ai vu ça, moi. Toujours. T'as vu quelqu'un se faire arracher des J'étais dans l'autobus en transport en commun de Québec à l'époque. J'étais tout jeune. Ça a été l'année passée. Le trajet, moi, je rentrais chez nous, mais le trajet arrêtait un spectacle, je pense, de Metallica ou un groupe comme ça. Puis t'as un gros tof qui était voir un petit tof qui a dit, t'as-tu des billets pour Metallica? Oui. Donne-moi-les. Ah. Ben non, ben c'est mes billets. Donne-moi-les. Ah, OK. Oh non. Ouais. C'est triste. Donc, si t'as un petit off, toujours traîner une fausse paire de billets. Ouais, tiens, qu'il se fasse pogner, le gros. Ouais. Puis là, tu fais, hey, c'est ma place, j'ai des vrais billets. Hey, excusez-moi, monsieur. Faut toujours dire que tu vas au Salon du Livre, comme ça, tu les feras jamais voler. Je vais au Salon du Livre, non. Ben, écoute, malgré que c'est de plus en plus cher, le Salon du Livre, c'est dégueulasse. C'est 18. Je vais voler mes billets. Si tu écris un livre. Ah, voilà le truc. C'est vrai. Hey, j'allais dire, si le but, là, c'est d'être en première rangée d'un show au Centre Bell, peut-être que tu convaincs un artiste mauvais de faire un gros show au Centre Bell. Tu sais, tu dis, mettons, écoute, Caroline Néron, ça va marcher ton comeback en chanson si tu loues le Centre Bell. Les gens vont acheter des bijoux à l'entracte. Oui, c'est sûr. Pour moi, tu peux avoir des places en première rangée fait pas chères. Tu sais, t'as toi-même instauré le projet. Tu vas voir une game de hockey, tranquille. Tout le monde sort, puis toi, soudainement, oh, tu te caches. Dum, dum, dum, dum, dum. Ça marche tout le temps, ça. Tu te caches dans le Centre Bell. Dum, dum, dum, dum, dum. Là, t'attends que le temps passe. Je connais du monde qui sont encore cachés Pop-plum. Au Stade Olympique. Ils attendent le prochain bon spectacle. Encore une fois, comme dans sortir. La journée de travail que t'as perdue, t'aurais payé un maudit bon billet le soir. Comme au moment qui vend du sucre. Dum, dum, dum, non, mais des fois, c'est très, très collé. Là. T'as un match de hockey, puis tout de suite après, t'as un show. Là. Les jeux, des fois, le samedi après-midi, puis samedi soir, il y a un spectacle. Ils montent tout ça. Tu respires dans les toilettes, tu ressors de là. T'as... Ou ailleurs. Ouais. Le soude de tech, là, on a parlé à être un tech, mais le soude de tech, juste, tu sais, tu te promènes, les gens ne se posent pas de questions, il y a tellement de tech. Fais... Exact. Hey, T-shirt de l'événement. T-shirt de l'événement. Le soude de tech, on s'entend que c'est juste, tu sais, des bermudas avec trop de poches, ouais. Un t-shirt de groupe rock, puis une casquette. Une clé avec un fil téléphone. Oui, clé, fil téléphone, une petite lampe de poche. L'assurance, c'est un bon moyen. Je pense qu'on n'a même pas besoin du costume. L'assurance. Ça, c'est comme le classique, excuse-moi. Mais tu sais, de les gens qui... Les gens qui volaient des bateaux. On en a parlé quelques fois dans le podcast. Canadian Tire, là. Oui. Ben oui. Bon, comme, aide-moi donc, mon char est dans le stationnement. Oui, pas de problème, monsieur. Ouais, tu te pointes là, il y a une guitare. Tu fais non, je suis dans le show. Attendez-vous. Ouais, confiant. Ouais. Ah, OK. Pardon. Ben oui, allez-y. Ouais, clairement. Hein, tu fais... Bling, bling, bling, bling. Si tu te ramasses à jouer, finalement. C'est toutes les mêmes chansons, mais avec toujours Stairway to Heaven, un peu en arrière. Ah oui! Oui. Alors, mais ça, c'est vrai. Je suis backup. Peu importe, il y a des gros shows. Ils ont toujours comme 1000 backups. Clairement, des danseurs, des éclairages. Ça se peut que tu te ramasses à danser un peu sur scène. Faut juste trouver la... T'arrives en première rangée. Non, mais tu sais, pour avoir l'assurance, il faut savoir comment ça fonctionne, je pense. Ouais. Écoutez beaucoup de genre DVD backstage. Oui, c'est vrai. Oui, ouais. Tu sais, genre Madonna, c'était quoi son film, là? Lequel? Backdoor? Non. Son documentaire. Ouais, Dick Tracy. Ça passait cet après-midi, hein? Cherche Suzanne désespérément backstage. Parlant de confiance, des fois, il n'y a rien comme écrire à l'artiste. Mm. Une belle lettre. Hey, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je peux pas me payer de billets pour votre prochain spectacle. Je vous demande rien. Et je dis juste que pour moi, c'est une occasion manquée. Et, oh surprise, tu reçois par la poste 2 billets, première rangée. Thank you for your kind word, Mr. Vezina. Barbara Streisand. Au singulier word, effectivement. Tu vas vraiment juste un mot. And kind we, word. Amazing. Pas kind word, tu dis kind word, un gentil mot. Wow. And we hope that you get well soon. Oui, c'est ça. Parce que tu t'es fait voler tes billets dans 37 en venant de Charlebourg. Moi, par rapport à Streisand, c'était 330$ le billet, une affaire de main. Mm-hmm. Ben, tu m'as dit que ça, tu veux connaître quelqu'un. Ouais, elle n'en fait jamais de spectacle, Barbara Streisand. C'est 400$, n'est pas la même. Non, mais c'est ça, c'est ça. Il y a du monde qui veut vraiment y aller, mais ça, tu fais chier du monde quand t'as des billets gratuits pour ça. Je pense que j'ai envie d'en avoir. Je pense que j'ai essayé d'en avoir. Ce qui est plate, c'est le gars qui a des gras, des billets gratuits, puis il parle tout le long, s'en crasse un peu, ouais, connaît pas le spectacle. Toi, t'as payé, ça fait longtemps que tu planifies ton affaire. Comme moi, à Fan Young Cannibals. Ouais. Ou moi, je parlais de chier tout le monde. C'est quoi ce groupe-là? Show! Ouais, à Star Academy, j'ai bitché un peu les jeunes. Puis j'avais. Je me demandais quasiment si j'étais pas assis à côté des parents de certains jeunes. Ah, oh, ça se peut, hein. C'était gênant. Voler un plan de la salle. Tu sais, les gens au guichet sont tout le temps sûrs, réussir à voler ça. Puis apprendre le nom un peu des loges corporatives. Ouais. Fait que souvent tu peux arriver là, dire bon, je suis là pour Pfizer, tu sais. C'est bon. On est situé en bas d'habitude, puis on a toujours nos places là. Ouais. Comme là, t'as l'air de pouvoir y aller. Puis tu spots les loges vides, tu dis, on est là-bas. Ouais, avec ça. Êtes-vous familier avec ce qu'est le Power Ring? C'est l'espèce de. C'est pour garder ton érection plus longtemps? Non, du tout. C'est ça, c'est un onion ring. C'est un onion ring. Oui. Voilà. C'est chaud. Ça marche pas. Ça a l'air bon. La tanure me rend dure. Non. Fais tomber, t'as mis à l'air bon. Ah! C'est terrible. Non, le Power Ring, là, c'est. J'ai pas dit ça. C'est l'espèce d'anneau de publicité qui est au plafond. Ouais. Oui, le Power Ring. Pensez-vous que quelqu'un qui se mettrait, mettons, un coat avec plein de lumière, puis qui courrait vite, pourrait se faire passer pour le Power Ring? Le Power Boy. Power Boy in the Power Ring. Ouais. Ou juste. Ils l'ont inventé un peu, la cape d'invisibilité, là, de... Oui, absolument. Voyons donc. Ouais. Ben, des petites caméras d'un bord, des petits écrans d'eau, puis ça filme ce qui est en arrière de toi, tu te projettes. Wow! Donc, c'est un petit cloaking device. Non, Harry Potter. Mais, écoute, c'est pas, tu sais, les gens font pas... Mais un petit peu, quand même. Oh, ouais, il y a un petit quelque chose. Ouais. Je bouge pas trop, des fois, les vis. Non, c'est ça. Ça marche plus d'eau. Mais est-ce que tu vois à travers? Là, la question... Tu as quand même une petite face dans le vide qui vole. T'as deux yeux qui se promènent là. Wow. Moi, je pense que la cape d'invisibilité, c'est une solution possible. Oui. Avec les bottes de silence. Là. Tu peux voir leur spectacle en direct sur Internet. Oui. Bon, c'est pas une première rangée, mais t'es bien placé. T'en parlais par rapport à la lutte. Là. Mm. Au lieu d'aller voir, là, tu te loues ça sur la TV. Là. Oui. Non, c'est mieux qu'une première rangée. Non, mais, tu payes en gang. Celui qu'on va voir, il passe en direct à la TV. La TV, là, généraliste. Ouais. C'est dégueulasse. Non, mais attends. C'est dégueulasse. Non, il y a une ambiance. Ils viennent une fois par 6 ans. C'est super. T'es venu, Antoine. Et ils vont d'habitude faire un karaoké. Oui, non, mais. Ils l'ont détruit, le karaoké, on est allé. Ouais, j'étais allé voir les lutteurs après, c'était super long. Oui, tu l'avais dit, c'est vrai. Mais. Oui. Non, super le fun, je disais pas ça. C'est-à-dire que des fois, tu peux voir l'événement. Ouais. Différemment. Oui. Mais avoir cette impression. Non, mais comme la lutte. T'as le meilleur des deux mondes parce qu'il diffusait aussi. Le montage est diffusé sur un écran géant, puis t'as la scène en plus. Oui. Fait que les affaires que tu veux pas manquer, tu regardes en haut, sinon tu regardes en bas. Mais il y a aussi les pay-per-view, ils sont présents aussi dans les cinémas. Oui. Certains cinémas. Ils font super cher. Oui, c'est cher. L'opéra, je sais pas. L'opéra, ça, c'est 25-30$. Ah, ouais. C'était déjà essayé. Par contre. En IMAX. Mais ces solutions-là, on pourrait les appliquer aussi à, justement, là, des trucs comme l'OSM, puis je sais pas, moi. Ouais, moi, des gros spectacles rock, là. Mm-hmm. Tu fais parfait. Mais quoi, pour 20$, tu vas t'installer là, c'est live en même temps. T'es là, je sais pas trop. Genre la tournée de retour de Judith Bérard, par exemple. Mm-hmm. C'est tellement l'exemple que je voulais. Pile poil, hein? Pile poil, fend la goutte. Oh! Oui. Donc. Hey, mais sinon, le 600 billes, ça marche pas, là. Ben, peut-être pas des billets au Jésus ou dans une autre salle aussi, là. 100 billes à m'amener, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais des fois, il y a des hautes villes, ça marche moins. Ça dépend des événements. Trouver le 100 billes des autres villes. Moi, j'ai vu. Bon, c'est pas un bon exemple. Quoi? Non, mais Tricot Machine à Paris. Waouh! Non, regarde, je te dis pas que c'est spectaculaire. Mais on se pointe là, un petit peu en retard. Il y a personne. On est en avant. Je comprends. À la fin, on jase avec eux. Ah, salut, vous venez de Québec, ils nous parlent à nous, on boit une bière avec des artistes. Ils retournent, ils font salut après. C'est OK. À Québec, on n'aurait pas vécu ça. Non. On n'aurait pas eu ce rapport-là avec eux, jamais. Là. Ouais. Alors, je pense qu'il y a des artistes, des fois, qui vont à l'extérieur. C'est qui, l'occasion de faire, tu peux avoir une première rangée. Tu peux c'était du pot. Peut-être que tu l'aurais... C'est des poteux, ça? Vous comprenez l'idée, là. Je comprends que t'aimes pas tout comme ça. C'est une... Je les ai vus en spectacle. J'ai bien apprécié. Oui, moi aussi, j'avais aimé ça. Bon. Mais on a eu vraiment un rapport privilégié parce qu'on était ailleurs. Oui, je peux comprendre ça. Oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux aussi, écrire sur Facebook, justement. Mm-hmm. Qui a des billets pour moi ce soir? Ça peut marcher. Ouais, j'ai essayé. C'était pourquoi? Ben, c'était... Non, mais moi, en fait, je voulais aller voir la lutte. Je trouve ça, je le répète, j'ai beaucoup de plaisir. Je trouve ça belle fun. Mais je voulais être vraiment le douche là en avant avec la pancarte écrit « Je pue de la noune ». Puis, il me trouvait bien drôle. On se rappelle que Fred a dit « Tu pues de la noune » dans un show de lutte, c'est toi, et ça? Il a créé une commotion, là. Tu veux dire 18 000 personnes? Moi, j'étais là, puis c'est Fred qui est parti. Je l'ai mis sur notre groupe aujourd'hui. Fait que c'est déjà là depuis deux semaines. Là. C'est Fred qui a parti la vague. Allez voir ça. Je me souviens, j'étais là. C'est pas moi. C'est toi qui a parti ça. Moi. Non, mais époumonné. J'avais envie de vivre l'expérience d'être en avant, puis tu sais, quasiment... attraper des petites gouttes de sueur. Mais c'est quoi 350$ pour être en avant ou je sais pas combien, puis faut être plugué même si t'as de l'argent, tu sais. Fait que je sais pas, j'ai envoyé le call sur Facebook. Ça a pas marché. J'ai pas assez d'amis. Pas assez d'amis, Fred. Plus d'amis, plus d'amis. 5 000. Mais des jobs corpo, là, aussi. Là. Tu sais, travailler pour Bell, d'ailleurs. Là, ça, tu peux travailler pour Bell, ça serait une belle idée. Mm-hmm. Ou, c'est ça. Ah oui! Un peu ça. Stocker, là, les gens qui travaillent pour Bell, aller dîner aux mêmes places qu'eux autres, ça, devenir leur ami. Oui, clairement. Ami de revendeur, là, ça peut être une bonne idée. Ouais. Mais le meilleur moyen, là, c'est d'avoir une job qui fait que tu engages souvent des gens de service, là. Mm-hmm. Des traiteurs, des gens de courrier, des affaires comme ça. Fait qu'ils n'arrêtent pas de t'envoyer des cadeaux. Ce soit toujours des offres. Voulez-vous des billets gratuits pour telle affaire? Fait que ça vaut la peine. Là. Ouais. J'ai connu une... j'allais à l'université avec une fille qui faisait genre de la couture pour des événements au Centre Bell. Tu sais, comme... On a besoin de toi pour... patcher une robe de danseuse ou je sais pas trop quoi, là, puis... Wow. Elle est bien. Ouais. Ben, je sais pas si elle est bien, mais elle rentre, tu sais. Ben, elle rentre certain. Ouais. Pas cool. Dans le sous-sol. Dans le deuxième sous-sol. Bon. Ouais. Hey, puis finalement, là... Quoi? Tu sais, là, tout le monde est capable de faire le Sandbell, s'il veut. Tout le monde peut être sur cette scène-là. Ils nous l'ont dit à Star Academy, ils ont dit, tout le monde est capable. Donc, à quand, pas de problème? Au Centre Bell. Je donne 2 ans à ce projet-là, moi. Devant public. Hey, si on est capable d'avoir 18 personnes au passage. 18 000 au Centre Bell. Moi, ma solution favorite, oui, c'est d'aller en colocation avec 2 filles d'un des dirigeants. Mm-hmm. Oui. You know it. Moi, les Ice Capades. Choisir ton événement. Il y en a qui sont plus faciles. T'attendre le retour des Fine Young Cannibals. Johnny! We're sorry! Moi, c'est d'attendre que les artistes sortent par la sortie en arrière, les menacer avec un gun, puis leur dire « Fais-moi ta plus belle toune. » Juste pour moi. Très bon. Mathieu Bouillard! Ça, c'est le Fine Young Cannibals. C'est ça, ma plus belle toune. J'aimerais mieux les connaître. Et vous, vos solutions, mesdames et messieurs, et nous écoutez. Ça vous intéresse. Hein? Allez nous écrire ça sur Facebook ou sur Twitter. D'ailleurs, sur Twitter, donnez-moi un instant. Est-ce que François Legault a répondu à nos tweets? Non, il y a juste Pierre-Luc qui fait « Mon problème! » C'est parce que c'est son problème. Ça, c'est la phrase la plus drôle depuis longtemps. Le tweets. C'est drôle. Ouais, en faking, on a, c'est ça, un Muffin Burgie. Qui a écrit en fréquent être handicapé pour être entré en premier et se cacher. Bon, pour sortir quand les portes vont ouvrir. Le fauteuil roulant, là. Oh, le fauteuil roulant. Puis en plus, on va s'en rappeler parce qu'il y a un jeu de mots. Oui. J'ai le goût de vomir. Mmh. Ça passe pas. Ouais. T'as envie de vomir roulant. Alors, marche aussi bien que l'autre. Oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous écrire hein, vos commentaires, vos solutions préférées. Nos deux concours, Fred. Le T-shirt et Sauver le monde. Oui. Notre 150e approche, il y aura un spécial, j'en dis pas plus. Oui, oui, oui. Et je sais pas là si, pendant que vous écoutez ça, il y a eu quelqu'un d'autre, Candy Boucher, qui nous a envoyé un design de T-shirt. Mais bravo, Andy, premièrement. Oui, solide. Super bien. C'est vous pouvez le faire sur papier hein, aussi, vous pouvez le faire avec vos coudes. Le but, c'est pas de trouver un nouveau logo pour pas de problème, c'est plutôt de un dessin, une image de T-shirt. Le logo, on va le mettre peut-être un petit peu sur le côté, en retrait. Ouais. Donc, voilà. C'est ça? C'est ça, c'était un bel épisode aujourd'hui. Oui, ouais, je l'ai aimé, moi. Sauf qu'on a parlé des vraies affaires. Alors? Ben, Jean-Philippe. Vous avez un problème, nous avons un podcast. J'aurais voulu faire un jeu de mots avec un des deux mots pour faire honneur. Nous avons un avec podcast. Non, mais je ne l'ai pas fait. OK. De toute façon, j'ai tout enlevé ça.